Je suis mouillé pour toi, donc ne m'oublie pas. Quand le soleil viendra, que la nuit tombera, alors tous les soirs j'écrirai pour toi quelques mots d'espoir dans ce grand trou noir. Ok, alors ça y est, on y est. Pardonne à tous ceux qui me voyaient que comme un billet. Je me suis mis à regarder partout qu'on s'attirait. J'ai grandi dans le noir, donc je me suis mis à scintiller. Évidemment, ça t'intéresse. Ils disent que j'ai pacté que je suis un extraterrestre. Pour toi, je suis un rat, moi je mange le caviar et les restes. Je vais chuter le bénéfice quand je t'écale de la reste. Je suis mouillé pour toi, donc ne m'oublie pas. Quand le soleil viendra, que la nuit tombera, alors tous les soirs j'écrirai quelques mots d'espoir dans ce grand trou noir. Ok, j'suis pas né d'hier. T'inquiète, j'suis conscient que tu fréquentais par intérêt. Ouais, j'ai de l'oseille, j'vois pas pourquoi j'vivrais comme un asset. J'étais déjà là quand SCH enregistré à 7. Évidemment, si tu casses et bats, tu rack. J'te montrerai pas mon vrai visage parce que ça rec. J'vais jamais m'arrêter comme la France et toutes ses dettes. Et plus tu me flattes, plus tu réveilles la bête. Je suis mouillé pour toi, donc ne mouille pas.